بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous. Donc on continue inshaAllah ta'ala l'explication des paraboles du Coran. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu deux paraboles de sourate la lumière. Et au programme aujourd'hui, il y a l'étude d'une parabole de sourate l'araignée. Et concernant cette sourate, il faut tout d'abord savoir que les savants ont divergé. Est-elle considérée comme une sourate mécoise ou bien comme une sourate médinoise? Certains sont d'avis que c'est une sourate entièrement mécoise et d'autres sont d'avis que c'est une sourate entièrement médinoise. Alors que d'autres sont d'avis qu'elle est mécoise, sauf certains versets. Tandis que d'autres savants sont d'avis qu'elle est médinoise, sauf certains versets. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus savant. Et cette sourate a été nommée sourate l'araignée, car Allah subhanahu wa ta'ala y a mentionné une parabole à propos de l'araignée. Et c'est justement la parabole qu'on va voir ce soir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 41 à 43: « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée du verset, ceux qui adoptent des maîtres en dehors d'Allah sont semblables à l'araignée qui prend sa toile pour demeure. Or, la plus fragile des demeures est celle de l'araignée. Si ils savaient, Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Telles sont les paraboles que nous proposons aux hommes. Cependant, seuls les savants les comprennent. Donc cette parabole concerne ceux qui ont pris des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction, ceux qui adoptent des maîtres en dehors d'Allah. Donc, c'est-à-dire les polythéistes qui ont pris des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils adorent, en qui ils espèrent le secours, la subsistance et vers qui il se tourne dans la difficulté. Ensuite, Allah, il nous dit, selon la traduction, sont semblables à l'araignée qui prend sa toile pour demeure. Et donc la question qu'on peut se poser ici est: quel est le lien de ressemblance entre le polythéiste et l'araignée qui prend la toile pour demeure? Et la réponse à cette question se fait en plusieurs points. Le premier point, lorsqu'on regarde attentivement la maison de l'araignée, on peut remarquer qu'elle est très fragile. Et on peut même dire qu'elle fait partie des plus faibles demeures. Et ce qui est connu est que le but d'une demeure est de protéger son habitant de la chaleur, du froid et de la pluie. Mais cette chose-là n'est pas présente dans la demeure de l'araignée. Par exemple, si un léger vent viendrait à l'atteindre, il la détruirait. Et l'homme est même capable de la détruire avec un seul doigt. Donc en résumé, cette demeure est très fragile et n'est pas profitable malgré que l'araignée s'y attache, tout comme le polythéiste. Tout comme le polythéiste qui s'attache à ses divinités, malgré qu'elles ne lui sont pas profitables. Donc ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point est que l'araignée fait partie des animaux les plus faibles. Et sa demeure est considérée comme l'une des plus faibles. Et donc, le fait que l'araignée ait pris la toile comme demeure, cela ne lui a rajouté que de la faiblesse. Tout comme le polythéiste, il est faible et déficient. Pareil pour ses divinités. Ils ne peuvent même pas lui apporter un bien, ni l'écarter d'un mal. Et donc, lorsqu'il l'adore, c'est-à-dire lorsqu'il les adore, les divinités, en dehors d'Allah, ceci ne lui a rajouté que de la faiblesse. Et ceci, comme les savants l'ont mentionné, est l'un des châtiments du polythéisme dans cette vie et l'un des méfaits du shirk. En effet, les savants nous expliquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux polythéistes le contraire de ce qu'il espère dans cette vie. Car comme vous le savez, le polythéiste, lorsqu'il adore autre qu'Allah, qu'est-ce qu'il veut ? Il cherche la sérénité, il cherche l'apaisement, il cherche la tranquillité et tout ce qui s'ensuit. Mais Allah lui accorde le contraire de cela et ne lui rajoute que peur et faiblesse. Et la preuve de cela réside dans le verset 6 de Sourate Al-Jin. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction, des hommes cherchaient protection auprès des djinns, ce qui ne fit qu'augmenter la peur des hommes. Verset 6, donc sourate les djinns. Donc en résumé, la demeure de l'araignée ne lui a rajouté que faiblesse, tout comme l'adoration des divinités qui ont été pris en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'ont rajouté que faiblesse aux polythéistes. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, or, la plus fragile des demeures est celle de l'araignée. Donc comme on a dit, c'est-à-dire que la toile ne protège l'araignée de rien. Tout comme les divinités des polythéistes ne leur sont pas profitables. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction, « si ils savaient », c'est-à-dire, si les polythéistes savaient que les divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur sont pas profitables et ne les protègent de rien, de même que la toile ne protège pas l'araignée, ils n'auraient pas pris en dehors d'Allah des divinités. Mais leur grande ignorance et leur ignorance était telle qu'ils pensaient qu'ils leur seront profitables et qu'ils les rapprocheraient d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Ensuite, à la fin de cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction, « Telles sont les paraboles que nous proposons aux hommes. Cependant, seuls les savants les comprennent. » C'est-à-dire, seuls ceux qui détiennent la science et la compréhension, et aussi qui tirent profit de leur science et de leur compréhension, comprennent ces paraboles. Et nous allons finir l'explication de cette parabole par la réponse à une question. Et cette question est pourquoi il n'a pas été dit dans le verset « Wa ma ya'lamuha illa al-aqilun » Cependant, seuls les doués de raison les comprennent. Donc comme on a vu à la fin de cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, cependant seuls les savants les comprennent. Et donc la question qu'on peut se poser, pourquoi il n'a pas été dit, cependant seuls les doués de raison les comprennent, alors que comme vous le savez, la raison précède la science. Donc la réponse, car la raison est un outil par lequel on comprend le sens des choses en y prêtant attention. Et il n'est pas possible d'y arriver sans l'ilm. C'est-à-dire, il n'est pas possible d'y arriver sans la science. C'est pour cela que certains exégèses ont dit que ce verset indique le mérite de la science par rapport à la raison. Et il n'y a pas un savant sans qu'il soit doué de raison, alors que le doué de raison n'est pas forcément un savant. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc après avoir fini l'explication de cette parabole, nous allons passer à ses enseignements. Donc le premier enseignement, il y a dans cette parabole une incitation à la compréhension et à la méditation de ces paraboles. Il est donc impératif pour le musulman de faire des efforts pour les comprendre. Et ceci est valable pour tout le Coran d'une manière générale. Subhanallah, certains parmi les pieux prédécesseurs s'attristaient lorsqu'ils ne comprenaient pas un verset du Coran. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du nom de Amr ibn Marra, qu'Allah l'agré, disait « Je ne suis pas passé par un verset du livre d'Allah que je ne comprenais pas sans que cela m'attriste. Car Allah dit « وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit « Telles sont les paraboles que nous proposons aux hommes, cependant, seuls les savants les comprennent. » Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il passait par un verset qu'il ne comprenait pas, il s'attristait de cela. Alors que nous, combien sont les versets qu'on ne comprend pas et ça ne nous fait rien du tout. Il faut que le musulman fasse des efforts pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, celui qui va comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va voir que sa vie va changer. Il va voir que sa vie va changer. Combien, par exemple, de nos frères, lorsqu'ils ne comprenaient pas l'arabe, ils priaient, par exemple, Salatou Tarawih. Et, comme certains le rapportent, l'imam, il pouvait réciter une heure, voire une heure et demie, mentionner des versets sur le paradis, mentionner des versets sur l'enfer, etc. Ça ne lui faisait pas grand-chose. Car il ne comprenait pas les versets du Coran. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité l'apprentissage de la langue arabe et il a commencé à comprendre le Coran, alors sa vie a changé. De telle sorte qu'il était touché par les versets du Coran. Il était touché par les versets du Coran et les versets du Coran avaient un impact sur lui. Avait un impact sur lui. C'est pour ça que tous les musulmans, tout musulman, se doit de faire des efforts pour comprendre le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous la compréhension du Coran. Le deuxième enseignement, il y a dans cette parabole l'éloge de ceux qui connaissent ces paraboles et que leur connaissance de celle-ci est une preuve qu'ils font partie des gens de science. Et on comprend aussi que celui qui ne connaît pas ces paraboles ne fait pas partie des gens de science, comme l'a mentionné l'éminent savant Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Le troisième enseignement est la faiblesse d'esprit des polythéistes, car ils ont adoré ce qui ne peut ni leur nuire et ni leur profiter. Donc avec ça, on a fini l'explication de cette parabole. Et demain, Inch'Allah, on passera à la parabole qui est mentionnée dans Sourate Zumar, donc Sourate les groupes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.